bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Oui, que reste-t-il aujourd'hui de l'amour courtois? Et puis, l'amour courtois, mais quelle nécessité pour parler de notre propre sentiment amoureux? C'est le sujet du jour dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quand il est question de la cour du château, nous imaginons un lieu, la cour, l'espace découvert entre les murs. Mais quand il est question de la cour du seigneur, nous imaginons l'entourage, vous savez, avec les courtisans. La belle langue française nous a donné deux adjectifs pour parler de la cour au sens de l'entourage du seigneur. Il y a curial, oui, les historiens parlent de phénomène curial. Il y a aussi courtois, et nous parlons d'amour courtois. C'est au 19e siècle que Gaston Paris a mis en place cette expression « amour courtois ». Plus joli qu'amour curial. Mais d'ailleurs, quand est apparu l'amour? Cette semaine, dans le cours de l'histoire, une histoire du sentiment amoureux. Aphrodite, Eros, Apollon, de l'amour dans l'Antiquité, puis les liaisons dangereuses de Marie-Antoinette ou le romantisme amour et convention. Des émissions à écouter, à podcaster pour la balade de diffusion sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, troubadour et trouvère, les chants de l'amour courtois. Que reste-t-il de l'amour courtois? Pour nous en parler, Michel Zinc, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et membre de l'Académie française. Médiéviste, vous êtes intéressé à l'amour courtois. Je pourrais citer plein de vos ouvrages, hein, là parmi les derniers, L'Humiliation, Le Moyen-Âge et nous, ou encore, alors ça c'est pas vraiment un livre d'histoire ou sinon d'égo, histoire, seuls les enfants savent lire, votre biographie publiée chez Talendier et puis avec une nouvelle édition récente aux belles-lettres. Dans cette question d'amour courtois, Michel Zinc, je voudrais vous faire écouter un extrait très court. Il date du début des années 1970, quand Maurice Clavel, écrivain, philosophe, évoque le grand historien du début du XXe siècle, Charles Seignot Beauce, avec une réflexion sur ce que peut être l'amour courtois. Vous connaissez peut-être un professeur d'université, sinistre d'ailleurs, et qui ne fut célèbre que pour avoir été l'adversaire, la cible, la tête de Turc de Charles Péguy. Comme on lui parlait de l'amour, il répondit avec le plus grand mépris, « L'amour, une invention du XIIe siècle. » Et il méritait de passer ainsi à la postérité, parce que c'est vrai. Il est vrai que l'amour, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, date du XIIe siècle et date même de Tristan et Iseut, comme si Tristan et Iseut avaient marqué existentiellement l'Occident. Et ce n'est pas fini, ça continue encore. Maurice Clavel, écrivain philosophe, qui a un jugement un peu dur sur Charles Seignot Beauce, ce professeur qu'il qualifie de sinistre, avec une phrase qui est restée, hein, « L'amour serait une invention du XIIe siècle ». Michel Zinc, qu'en pensez-vous? Oui, alors la phrase est souvent reprise en bonne part. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai été ému d'entendre la voix de Maurice Clavel que je voyais à Vézelay dans ma jeunesse, avec admiration. Mais la phrase est souvent reprise en bonne part. Et comme toujours pour les gens, les formules de ce genre, elle est vraie et elle est fausse. Elle est fausse parce que si on avait attendu le XIIe siècle pour s'aimer, nous ne serions pas là où on ne serait jamais arrivé, même au XIIe siècle. Et puis parce que il y a une littérature amoureuse, ou des représentations de l'amour depuis l'Antiquité, depuis toujours. Mais il est vrai qu'il y a eu un changement dans la façon dont on a célébré l'amour et où on l'a ressenti, à peu près vers cette époque, enfin à la fin du XIe siècle, et qui a orienté notre poésie et notre façon d'aimer, parce que nous nous fondons beaucoup sur la poésie pour aimer, d'une façon tout à fait nouvelle. D'abord, c'est à ce moment-là que l'amour devient la grande affaire de la poésie. Dans l'Antiquité, c'est pas le cas. Les grands genres poétiques, c'est la tragédie, c'est l'épopée, comme dirait Aristote. Il y a bien une poésie élégiaque, une poésie érotique, une poésie amoureuse, mais c'est considéré comme un genre mineur. Pourquoi est-ce qu'au XIIe siècle, cela devient l'essentiel? Eh bien, avec ces fameux troubadours, eh bien, en partie, je crois, il y a des raisons de pure histoire littéraire, si on peut dire, par exemple, le fait que on lisait beaucoup Ovide dans les écoles, on lisait l'Art d'aimer, on imitait et on imitait la poésie latine. Mais d'autre part, cette époque s'est trouvée confrontée à un problème nouveau, qui était la situation de l'amour au regard de cette religion relativement nouvelle, qui était maintenant la religion universelle, qui était le christianisme, et qui était une religion de l'amour, mais pris dans un sens assez différent de l'éros. Et comment se débrouillait-on avec tout cela? Comment pouvait-on concilier tout cela? Est-ce qu'il fallait ne pas le concilier? Est-ce qu'il fallait revendiquer quelque chose de subversif? Est-ce qu'il fallait réfléchir sur ce que représentent les pulsions sexuelles au regard du sentiment, ce que représente l'amour, passion, au regard de l'amour qu'on éprouve pour Dieu, pour son prochain, pour ses parents, pour ses enfants, etc. Et cette nouvelle poésie qui a l'air légère s'est très vite enracinée dans cette sorte de trouble, peut-on dire, et dans une sorte de réflexion implicite. Et puis dans ce trouble qui nous saisit quand il est question d'amour, il faut insister sur le fait que, vous l'avez dit Michel Zingle, l'amour existe, mais quelle forme d'amour particulière? L'amour idéalisé au XIe siècle, c'est-à-dire avant que se mette vraiment en place l'amour courtois, c'est l'amour de Dieu. Oui, mais non, il y a toujours eu une poésie amoureuse là. Et alors, il y a une nouveauté aussi, c'est que la tradition populaire de la poésie amoureuse, parce que la poésie des troubadours est en langue vernaculaire, ce sont les plus anciens poèmes entièrement conservés dans une des langues modernes de l'Europe, une des langues nées de l'évolution du latin parlé. Et pour les témoignages que l'on a avant les troubadours, ce sont des chansons de femmes, comme on dit. C'est-à-dire que c'est toujours une voix féminine qui se fait entendre. Alors que la poésie des troubadours, malgré la présence de quelques trobaïrites, est une poésie très très masculine. Non, enfin, je ne le dis pas en mauvaise part, non. Mais c'est une poésie de l'idéalisation de la femme, de l'espèce de terreur adolescente et de désir adolescent devant la femme, quelque chose de brûlant et de timide à la fois, alors que la voix féminine que l'on entend avant dans la poésie et que l'on entendra encore pendant tout le Moyen-Âge, mais comme un contrepoint à côté de la grande poésie, c'est une voix à la fois grave et sensuelle, avec une sorte de candeur qui avoue le désir comme quelque chose de naturel, comme quelque chose d'innocent et comme quelque chose de triste, parce que ces femmes sont condamnées à une sorte de passivité et sont obligées d'attendre finalement que celui qu'elles aiment vienne les rejoindre. Eh bien, c'est de la poésie même quand vous nous parlez, Michel Zingle, de poésie avec ce cadre chronologique, hein, fin du XIe siècle, XIIe siècle, pour l'amour courtois, la mise en place de cet art magique de chanter l'amour ou de dire l'amour. Il faudrait insister sur le cadre géographique aussi. Où nous trouvons-nous quand apparaît l'amour courtois? Oui, alors nous trouvons effectivement dans des cours seigneuriales, certaines importantes, certaines petites, et dans le sud de la France actuelle, puisque ce sont des troubadours, des poètes de langue d'oc. Trobar, trouvé en langue d'oc, en français c'est trouvé, d'où un peu plus tard les trouvèrent. Alors les premiers semblent apparaître, donc le premier connu est le comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, Guillaume IX, dont nous avons 11 poèmes, la moitié d'une obscénité tout à fait remarquable, et les autres où il adore sa femme, enfin non, c'était pas sa femme, parce que il adore la dame de ses pensées avec un respect et une dévotion tremblante. Et on les voit d'abord apparaître en Poitou, qui est à l'époque de Languedoc, et en la frontière linguistique était plus haut, en Limousin, en Périgord, et puis très vite, cela envahit, si on peut dire, l'ensemble de la France actuelle, de la des Pyrénées-Atlantiques à la Provence, si je puis dire, et on est très frappé de voir que la circulation des poèmes est extrêmement dense et extrêmement rapide. On voit ces poèmes se répondent les uns aux autres, c'est une espèce de jeu poétique aussi. On reprend le poème d'un autre, et puis on en écrit un autre qui lui répond, qui le confirme, qui le dément, etc. On peut suivre tout cela, et on suit cela de la Corrèze aux Alpes-Maritimes, pour reprendre les départements, très très rapidement. Et si je peux ajouter un mot, ça, alors c'est pourquoi on a raison, et Gaston Paris avait raison de dire Amour-Courtois, à la fois parce qu'il se développe dans les cours et parce que il revendique un raffinement des manières, de l'esprit, du sentiment propre à ceux qui fréquentent les cours, par opposition aux vilains, donc à ceux, aux paysans, aux rustres, à ceux des villages, mais l'opposition est une opposition de cœur et non pas de naissance. On peut être vilain de naissance et être courtois et l'inverse. Mais à l'époque, on disait pas amour courtois, on disait fin amor. Là, le mot amour était féminin, même au singulier. L'amour fin, l'amour fin, et donc l'amour parfait, l'amour aiguisé, et l'amour purifié comme l'or est purifié au feu. Non pas purifié en sens que cet amour était chaste, mais dans le sens où il répondait à des exigences morales et à des exigences aussi intellectuelles, de subtilité, hein, et où on ne pouvait pas, enfin la passion amoureuse ne justifie pas n'importe quoi. Et en particulier, une de ses conséquences, c'est qu'on devient un bon poète. On devient un bon poète, et bien justement, partons à la rencontre d'un de ces poètes. Il s'appelle Bernard de Ventadour. Il était présenté dans l'émission Heure de culture française. C'était en novembre 1958. Bernard de Ventadour, dit la vieille biographie provençale, qui, sujette à caution, reste néanmoins le meilleur document que nous ayons. Bernard de Ventadour naquit en Limousin, au château de Ventadour. C'était un homme de petit extra, ce fils d'un valet qui faisait office de boulanger et chauffait le four pour cuire le pain du château. Bernard était bel et adroit. Il savait bien chanter et faire des vers. Grand était son savoir et sa courtoisie. Le vicomte de Ventadour, son seigneur, se prit d'affection pour lui, pour ses vers et pour ses chansons et lui fit grand honneur. Le vicomte avait une femme belle, gracieuse, jeune et gente, et elle aussi se prit d'affection pour Bernard et pour ses chansons. Elle tomba amoureuse de lui et lui d'elle, si bien qu'il fit ses vers sur elle et sur l'amour qu'il lui portait. Leurs amours durèrent longtemps avant que le vicomte s'en avisât. Et quand le vicomte s'en fut avisé, il chassa Bernard de sa présence. Quant à sa femme, il la fit enfermer et garder. Alors, elle fit savoir à Bernard qu'elle lui donnait son congé. Elle le pria de la quitter et de partir. Et il la quitta. Et s'en fut trouvée la duchesse de Normandie, qui était jeune et d'un grand mérite. Et les chansons de Bernard purent fort à celle-ci. Il resta longtemps à la cour de la duchesse, et il s'éprit d'elle, et la dame s'éprit de lui, de quoi il fit maintes bonnes chansons. Le troubadour Bernard de Ventadour, présenté dans l'émission Heure de culture française en 1958. Il semble qu'il faut être lyrique pour parler des troubadours. Michel Zinc, dans cette figure de troubadour, vous nous avez cité Guillaume, l'un des premiers, un comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, un sacré coquin, mais qui met en place l'amour courtois. Et puis, il y a d'autres figures telles Bernard de Ventadour. Est-il possible de dresser un portrait du troubadour? Oui, on peut, mais ils étaient... Enfin, ils étaient en même temps très variés. On vient de voir que Bernard de Ventadour n'était pas seigneur de Ventadour, mais, semble-t-il, on dit le fils d'un boulanger, parce que un de ses confrères se moque de lui dans un poème et dit « Bernard de Ventadour, sa mère chauffait le four et son père enfournait le pain », ce qui montre que ça ne volait pas toujours très très haut. Non. Entre parenthèses, si vous me permettre, la voix que nous venons d'entendre montre quelque chose que nous savons mais qui est saisissant, c'est que combien le ton de voix a changé en 60 ans. Et comme là, et comme si la sensibilité avait changé. Et ça rend modeste ou ça effraie, parce que je me fais fort de comprendre toutes les subtilités de poèmes de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle, et à 60 ans d'écart, en 58 j'avais 13 ans, je m'en souviens de 58, mais je me rappelais pas qu'on parlait comme ça, vous voyez, on ne se rappelle même pas les choses. Enfin bon, je m'éloigne du sujet. Alors, certains des troubadours étaient de très grands seigneurs, comme donc Guillaume IX, comme le vicomte Aible II de Ventadour, dont Bernard de Ventadour se réclame dans ses poèmes. Il dit qu'il est de l'école de Messire Aible. Mais nous avons perdu ces poèmes, à moins qu'on les ait retrouvés, comme dit un de mes collègues. Enfin, c'est une autre question. Certains étaient des jongleurs qui s'étaient fait troubadours. Quelques-uns étaient des hommes de milieux plus élevés mais ruinés qui s'étaient fait jongleurs. Il y avait des marchands, il y avait des clercs, il y avait un moine, le moine de Montaudon, et tout ce monde-là circulait à travers les cours avec des mécènes, dont certains eux-mêmes étaient des poètes, qui les accueillaient, qui les faisaient vivre souvent, et qui faisaient circuler leurs chansons. D'ailleurs, la circulation des chansons reste un petit mystère. Mais c'est la pertinence, en fait, de ce sujet sur l'amour courtois. L'amour est un sentiment extrêmement difficile à définir, mais le regard d'historien Michel Zinck que vous portez sur ce sujet nous donne un cadre chronologique, un cadre géographique, et puis l'analyse même de la création de l'œuvre. Mais cette œuvre, il faut l'illustrer. Bien, écoutez, nous évoquions Bernard de Ventadour. Je vous propose d'écouter par l'ensemble Céladon, quand l'herbe est fraîche, quand l'herba fraîche, quand l'herbe fraîche. Quand l'herbe fresca e furia par, in offlos puto nevegiar, e rossi diosa teti clar, li vassa voz in mauso cian. Gioiai di lui, i gioiai di la flor, i gioiai di me, c'est là donc qu'il reprend cette chanson de Bernard de Ventadour, quand l'herbe fraîche. Michel Zinck, quand vous entendez cette chanson, je pense comme tous les auditeurs, les auditrices, il y a cette esthétique sublime qui nous touche, et puis vous êtes face à un document historique. Comment l'analyser ? Oui, alors d'abord on marque que là, c'est la mélodie, c'est une mélodie modale qui est proche de la musique liturgique de l'époque, du chant grégorien, en fait. Et ce cas de particulier du point de vue littéraire, c'est cette mélodie, c'est que elle permet de détacher très bien les paroles. Ce sont des poèmes extrêmement, souvent, Bernard Ventadour est assez simple, mais chez d'autres, ce sont des poèmes extrêmement difficiles. Et visiblement, la mélodie était là pour mettre en valeur, pour rendre les paroles plus distinctes. Alors qu'aujourd'hui, souvent, lorsqu'on chante, on comprend moins bien les paroles que si on récite. Là, c'était l'inverse. On voit que la chanson commence par une évocation du printemps, ce que font toujours les premières générations de troubadours, et ça s'est gardé très longtemps. Le roman de la rose est comme une mise en récit au XIIIe siècle du début printanier par lequel commencent traditionnellement les chansons d'amour. Et on fait tenir dans ce début printanier toute une initiation sentimentale. Et là, on dit l'herbe fraîche, les feuilles paraissent, que la fleur bourgeonne sur la branche, etc. La nature est remplie de joie, et moi je suis rempli de la joie d'amour, ce qui est un début tout à fait caractéristique, et auquel d'ailleurs les poètes s'opposeront bientôt en disant mais après tout, si on est amoureux qu'au printemps, c'est quand même pas très gentil pour la dame qu'on aime. Et donc on dit, Bernard Ventadour lui-même, il fait froid, la neige couvre la terre, etc., mais moi j'ai chaud au cœur, etc. Et dans cette chanson, on n'a pas entendu, il y a un passage qui illustre tout à fait ce que je disais il y a un instant de cet amour que nous aurions tendance à définir comme un amour adolescent, un amour à la fois sensuel et terrorisé, un amour timide et brûlant. Il dit... J'aimerais bien la trouver seule, une estrophe, j'aimerais bien la trouver seule, endormie, ou faisant semblant d'être endormie, pour que je puisse lui prendre un doux baiser, parce que je n'ose pas lui demander. Voilà. Et dans une autre chanson, il termine, ce sont les deux derniers vers, et il dit, car si je meurs, belle dame, de ne jamais vous voir nue, mon corps en aura souffrance, et mon âme chagrin. Voilà. Et, c'est toujours cet amour qui est à la fois sensuel et craintif. Et justement, Guillaume IX qui compare deux juments, puis on s'aperçoit ensuite que ce sont deux femmes, qui écrit un poème tellement obscène que le premier éditeur, qui savait pourtant bien la langue d'oc, a mis des points de suspension partout et pas osé le traduire. Eh bien, et je n'ose pas le citer ici, eh bien, Guillaume IX écrit dans un autre, compose dans un autre, il dit « Il en va de notre amour comme de la fleur d'églantine qui tremble toute la nuit, exposée au froid et au gel, jusqu'au matin où le soleil la réchauffe de ses rayons. Hein. » Il continue en disant, voilà, je me souviens du moment où vous m'avez accordé, où elle m'a accordé ce grand don, son amour et son anneau, que Dieu me laisse vivre assez longtemps pour que j'aie un jour mes mains sous son manteau. Et donc ça se termine avec quelque chose d'audacieux, mais de réservé encore dans l'audace. N'est-ce pas ? Bon, il a les mains sous le manteau, mais enfin, elle a encore le manteau. Enfin, bon, je n'entre pas dans les détails. C'est extrêmement réservé, mais Michel Zinc, il y a toujours un peu de souffrance, un peu, vous l'avez bien dit, de timidité. Il est difficile d'imaginer l'amour courtois sans une certaine forme de contrainte. Cet amour est complexe. Oui. Alors, il l'est d'abord parce que pour une raison fondamentale qui est que la grande idée, tout le monde l'a, mais enfin, ce que ressentent fortement les troubadours et ce qu'ils développent, c'est que l'amour, c'est le désir, hein, et que le désir être assouvi, a peur d'être assouvi, parce que une fois qu'il sera assouvi, eh bien, il sait bien qu'il n'existera plus comme désir. Et donc, l'amour a cette caractéristique de désirer sa mort. Et c'est ce qui fait, selon eux, que l'amour est un sentiment qui est en lui-même, non pas par accident, mais en lui-même un sentiment contradictoire qui est à la fois joyeux et triste. Triste et joyeux, je m'en irai, dit Geoffrey Rudel, et que il n'y a tout amour, même très malheureux, connaît son exaltation, et même un amour très heureux n'échappe pas à l'inquiétude. Et c'est le fondement de leur poésie, c'est le fondement même de leur hermétisme, parce que ils, pour certains d'entre eux, pour les partisans, pour les ceux qui pratiquent le Trobarclus, la façon de composer close, fermée, parce que ils sont, ils ont l'impression qu'il faut rendre dans les mots cette contradiction, cette tension de l'amour, de sorte que ils aiment la syntaxe compliquée ou bien les raccourcis, les monosyllabes avec des grappes de consonnes autour, une sorte de qui sont rugueux à prononcer pour rendre ces contradictions de l'amour. Et puis ça a des conséquences dans la façon dont on vit l'amour, c'est-à-dire que l'amour ne doit pas être facile, il n'y a pas d'amour facile, hein. Il faut comme dit Valéry, soit cette infime alerte d'or de la piqûre d'abeille, sans quoi l'amour meurt sans d'or. C'est pourquoi la femme aimée doit toujours être réservée. On la supplie d'accorder ses faveurs, mais elle est maîtresse de les accorder ou non. On ne peut rien exiger d'elle. Elle est la domina, la maîtresse, et le rapport entre l'amant et la dame est calqué sur le rapport féodal entre le vassal et le seigneur. On emploie les mêmes expressions. Et ou, dans le cas extrême, on emploie les mêmes expressions dans une prière à la Vierge. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué, Michel Zinc, il y a ce clin d'œil fait à l'églantier. La comparaison de l'amour et de la rose est très renaissance, Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose, mais églantier ou rosier, il y a toujours des épines au moment d'écrire une chanson d'amour, même quand Thierry Lafronde écrit sa chanson à Isabelle. Et la fillette au seigneur déclara, fille de vilain suis messire, et fils de vilain mourra. Ah ben c'est pas bon. Vous n'êtes que des brutes, vous ne comprenez rien à la poésie. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. On se promène, ma belle enfant. Et toute seule encore. Et oui, le cours de l'histoire s'intéresse aujourd'hui aux troubadours, aux trouvères. Obligé de croiser Thierry Lafronde. Eh bien, justement, dans cette quête de l'amour courtois, je vous propose d'écouter une version faite par Henri Gougaud dans les années 1960, en 1968 précisément, au prélude pour la nuit de France Culture, une chanson de Bernard de Ventadour, actualisée avec des paroles des années 60, ce n'est pas yéyé. Sur la lande sans escorte s'en vont au vent les feuilles mortes avant que vienne la froidure. Quand belle saison se fait dure, j'ai plaisir à sonner mes chants, poigne le fil de ces deux ans, et s'il vous plaît, pardonnez-moi. Madame, suis à vos fenêtres, vous m'y accueillerez peut-être, sans vous le boire et le manger, me sont de la bouche étranger. De la belle, j'ai tant souci, que m'en remets à sa merci, que me donne ou vende à son prix, ou vende à son prix. Henri Gougaud qui reprend une chanson de Bernard de Ventadour, Quand sur la lande, une chanson avec les mots d'aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Émilie Vallat avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Michel Zin, quand nous entendons cette chanson avec les mots d'aujourd'hui, mais qui sont juste une adaptation du français du XIIe siècle, nous sommes touchés. Il y a une valeur universelle à ces mots, à ces chansons. Malgré tout, l'amour courtois doit se comprendre dans un contexte, celui du monde féodal. Et vous nous l'avez bien dit, il y a un rapport homme-femme qui est en écho au rapport seigneur-vassal. Oui. C'est tout à fait vrai, mais Henri Gougaud, je vous remercie de nous avoir fait entendre Henri Gougaud, que j'admire et que j'aime beaucoup. Quand j'ai lancé une collection, livre de poche, lettres gothiques, enfin de textes du Moyen-Âge avec la traduction, j'ai commencé par la chanson de la croisade albigeoise avec une traduction d'Henri Gougaud, mais justement, il met tellement bien à la mode d'aujourd'hui que sa traduction était superbe, mais très très loin du texte original. C'était un peu comme Bernard de Ventadour. Mais il a raison, parce que ce qu'il fait comprendre, eh bien, c'est ce que on devait ressentir à l'époque, même si c'était dans un contexte bien différent. Évidemment que le monde féodal a disparu. Mais lorsqu'on lit les troubadours eux-mêmes, et lorsqu'on lit, comme on l'a entendu dans la voix du monsieur de 1958, leur vida, je veux dire, dans un instant ce que c'est, leur vie, leur biographie, eh bien, on s'aperçoit que, d'un côté, ce monde féodal va de soi, naturellement. Ils n'ont pas l'idée qu'il pourrait y avoir une autre organisation de la société que celle-là. Mais en même temps, comme dirait le président de la République, la façon dont ils célèbrent l'amour, la façon dont ils racontent leurs histoires d'amour, intègre cet état de la société sans le mettre en évidence comme nous qui le voyons de l'extérieur le ferions. Nous nous disons, ah ben bien sûr, c'est le vassal, c'est le suzerain, hein, il est en dessous, il est au-dessus, etc. Mais eux ont un rapport extrêmement naturel avec tout cela. Ils ne disent généralement, ils ne disent pas ah bah oui, mais il a tel statut social, mais il a, etc. C'était pas comme cela que ça se passe, au moins dans la poésie. Sauf dans des genres très particuliers, on a entendu Thierry La Fronde, c'était pas du tout courtois, et la belle fille on se promène, mais ça c'est un genre poétique à part, qui s'appelle la pastourelle, j'avais fait ma thèse troisième cycle là-dessus. Et quelle histoire, c'est toujours la même histoire, c'est un poème dialogué dans lequel un chevalier rencontre une bergère, lui fait des avances, alors elle veut, d'abord elle veut pas, ensuite elle veut, enfin etc. Elle appelle à la rescousse les bergers qui chassent le chevalier, il y a toutes sortes d'issues possibles, et là, d'une certaine façon, à l'évidence, la distance sociale est mise en évidence, c'est le sel, si on peut dire, de la chanson, mais non pas au profit du chevalier. Le chevalier est très souvent ridiculisé. Dans la plus ancienne pastourelle que nous possédons, celle de Marcabru, un troubadour extrêmement important, peut-être le plus important de tous, le plus énigmatique, très violent, très très dur, et avec des problèmes moraux, religieux dans tous les sens, etc. Dans cette la pastourelle de Marcabru, la paysanne renvoie le chevalier dans les cordes, et on joue dans ces poèmes de la différence de registre de langage. Le chevalier croit honorer la bergère et en même temps pouvoir parvenir plus facilement à ses fins en lui parlant comme il parlerait à une dame de son milieu. « Oh, belle dame !» etc. Bon. Et la bergère ne comprend pas ce langage. Ou, dans certains cas, comme chez Marcabru, elle fait semblant de ne pas comprendre. Et elle s'installe carrément dans son statut d'inférieur pour renvoyer le chevalier. Et le chevalier finit par être comme intimidé par la bergère. Il y a une vision de la lutte des classes, si je puis dire, qui est assez finement vue dans des poèmes qui sont grossiers, tout souvent, quelquefois à la limite de l'obscénité, quelquefois tout à fait charmant, il y a absolument de tout. Mais enfin, je bats la campagne et, excusez-moi, je réponds très mal à votre question. Vous y répondez très bien, Michel Zach, d'autant que nous comprenons qu'il y a tout un jeu de miroir qui se construit, évidemment homme-femme, le puissant, la paysanne, le seigneur, le vassal, et dans ce jeu de miroir, il y a le troubadour et la femme troubadour. Et ben justement, il y a un mot pour qualifier les femmes troubadours, c'est trobaritz. Je vous propose d'écouter Tatiana Werner qui nous lit un extrait d'une de ses chansons, d'une trobaritz. Elle s'appelle Azalaïs de Porquerague. Nous sommes dans la seconde moitié du XIIe siècle. Nous voici venus au temps froid, avec gel, neige et boue. Et si je succombe avec ces mots vrais, d'orange me vient la blessure. Une dame place bien mal son amour si elle aime un homme pour sa richesse. J'ai un ami de grande valeur qui est au-dessus de tous. Et il n'a pas un cœur tricheur envers moi. Et il me donne son amour. Alors, qui sont ces femmes qui font de la poésie, Les Trobaïrits. Alors, il n'y en a pas énormément. Alors qu'il y a peut-être, 350 troubadours au moins que nous connaissons. Nous connaissons peut-être une dizaine, quinzaine de Trobaïrits. Et pour certaines, nous ne savons pas trop qui c'est. Elle, Azalaïs de Porquerague, on sait, croit savoir un petit peu. Pour la comtesse de Die, qui est la plus célèbre, on sait pas trop parce qu'il n'y a jamais eu de comtesse de Die. Enfin, ou pas. Enfin, ça, rien ne correspond, en tout cas. Et, c'est difficile à savoir. Et alors, on a, chez ces Trobaïrits, enfin, deux types de chansons. Certaines composent des chansons qui, comme des chansons de troubadour au féminin. Mais on ne peut pas dire qu'une voix féminine soit particulièrement sensible. D'autres, au contraire, cultivent ce ton de la chanson de femme dont je parlais tout au début, et cette sorte de plainte là, lorsque la comtesse de Digne a, comme je voudrais tenir mon ami nu entre mes bras, mais il n'est pas là, etc. C'est vraiment le ton de la chanson de femme. Et alors là, on voit bien chez Azalaïs que il y a un peu une once de cette tonalité, j'ai bien placé mon amour, etc. Et en même temps, un ton un peu résonneur qui est le ton de la poésie de cette époque et dans ce milieu. Elle parle d'orange et elle était en relation avec... Alors, elle est de la fin du XIIe siècle, elle est peut-être un peu trop jeune, mais soit avec le troubadour Rimbaud d'Orange, un des troubadours les plus, à la fois les plus spirituels et les plus difficiles par moment qui soient, qui était un grand seigneur et qui, par provocation, revendique dans une de ses chansons son statut et sa fortune. Et c'est pourquoi elle dit, elle, l'argent ne fait rien à l'affaire. Et elle lui répond, soit directement, soit elle était en relation avec quelqu'un de la famille, je ne sais plus qui, si c'était le frère, le fils de Rimbaud d'Orange, excusez-moi, mes souvenirs sont un peu flous, vous me prenez au dépourvu. Mais elle illustre là quelque chose qui n'est pas spécifiquement féminin, qui est ce jeu poétique de se répondre de poème à poème, soit dans la forme, soit sur le fond, sur la conception de l'amour, sur les conditions du vrai amour, etc. Et puis on a des quelques poèmes anonymes où se fait entendre une voix féminine, en particulier des chansons d'aube, une chanson d'aube très très connue et très belle. Chanson d'aube, c'est le moment où la venue du jour oblige les amants à se séparer. Et généralement, pas toujours, mais souvent, ce sont des chansons de femmes, c'est le regret de la femme qui voit partir son ami, que l'on entend. Et ça suppose des amours clandestines, naturellement, et c'est un genre très très ancien qu'on trouve déjà dans l'Antiquité, qu'on trouve pratiquement dans le monde entier. Et c'est la source de la scène du balcon, enfin la source, pas la source, mais enfin la scène du balcon de Roméo et Juliette, c'est toujours ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend, encore une fois, assez souvent, prononcé par une voix féminine, mais... Dans ces cas-là, on ne sait pas, parce que plusieurs des chansons de femmes les plus émouvantes que nous connaissons en Languedoc ou en français ont été composées par des hommes. Alors, La chose est compliquée pour l'analyse, mais Michel Zinc, vous nous faites un clin d'œil sur la postérité de cet amour courtois en évoquant le balcon de Roméo et Juliette. Ce jeu poétique, cet amour courtois s'étend sur un temps court. Le Moyen-Âge est une période très longue. On ne peut pas dire que l'amour courtois couvre l'ensemble du Moyen-Âge. C'est-à-dire que ça ne commence que à la fin du XIe siècle, donc ça commence tard. Mais ensuite, c'est ce qui modèle toute la littérature du Moyen-Âge jusqu'à la fin. Et cet amour, par rapport aux premières générations de troubadours, cet amour courtois s'affadit parce que il devient chaste, je puis dire, et il devient un amour d'amoureux transi. La convention est que on aime sans être payé de retour, alors que les troubadours prennent en compte toutes les situations et toutes les rencontres et toutes les conflits du désir, du respect, de la chasteté de son contraire, etc. Oui, ça c'est la chose qui nous intéresse. Donc ça c'est affadé. C'est devenu une sorte de préciosité. Et l'amour courtois a survécu à l'âge classique sous la forme de la préciosité. Oui, parce que cet amour courtois, en effet, regardez, nous en parlons encore aujourd'hui, et l'amour est toujours présent. Le fait qu'il s'affadisse et qu'il devient l'amour transi est bien loin de cet amour courtois à l'origine, où la sexualité est prise en compte. Alors une sexualité complexe, vous nous l'avez dit, parce que nous sommes terrorisés, nous sommes timides, en souffrance devant la sexualité qu'il ne faudrait pas atteindre, mais que l'on voudrait atteindre. Oui, alors qu'on atteint de temps en temps. Alors, il y a un certain nombre de poèmes érotiques des troubadours. Et il y a une sorte de discrétion qui fait que on décrit les rendez-vous, enfin dans la poésie lyrique, on décrit les caresses avec une certaine précision, en allant très loin. Mais il y a une sorte de carré blanc au moment ultime. Alors que, à la même époque, dans les fabliaux, par exemple, où on trouve, il y a un nombre d'histoires obscènes incroyables et extrêmement, qui seraient, même pour aujourd'hui, qui sont vraiment peu racontables, et en appelant les choses par leur nom, avec une sorte de gros plan permanent sur les parties sexuelles, si je puis dire. Donc on voit que dans la poésie courtoise, et dans les romans courtois aussi, cette relative discrétion est tout à fait délibérée. Ça fait partie des bonnes manières, mais les bonnes manières n'empêchent pas la sensualité. Et non, n'empêchent pas la sensualité, pas du tout. D'ailleurs, écoutez, la beauté est là et va très bien avec la sensualité. Alors là, il n'est pas question de sexualité, mais plutôt de blessure. C'est la blessure d'amour et le baiser de Vénus. C'est un extrait du roman de La Rose, repris par Alla Francesca. Quand se vendra qu'il sera nuit. Écoutez, parce que c'est intéressant au sens où Michel Zinc, là vous allez me le confirmer, c'est le roman de La Rose, donc ce n'est pas chanté, c'est parlé. Quand se vendra qu'il sera nuit, l'or aura plus de 1000 ennuis. Tu te coucheras en ton lit où tu n'auras point de déduit. Car quand tu cuideras dormir, tu commenceras à frémir, à tressaillir, à démener. Sur côté t'estouvras tourné, et puis envers, et puis à danse, comme homme qui a malesse danse. Si te dirait fière merveille, Dieu fouet sera qu'il t'y ravit, que tu auras celle claire vie entre tes bras très toute nue, aussi comme celle fut devenue du tout ta mille et ta compagne. L'or fera châtiose en Espagne et aura joyeux de néant tant comme tu iras foloyant en la pensée délitable où n'y a que mensonge et fable. Mais peu y pourra demeurer. L'or commencera à pleurer et dira « Dieu, ai-je songé ? Qu'est-ce or ? Où étais-je ? Cette pensée, d'où me vint ?» Le roman de la Rose, l'occasion de saluer d'ailleurs le travail remarquable hein, de tous ceux qui travaillent musiciens à reconstruire ces textes. Michel Zinc, ce roman de la Rose est essentiel. Nous avons encore ici cette blessure, c'est plus qu'une piqûre de rose, c'est le baiser de Vénus. Voilà. Oui. Et alors, ce passage, c'est un discours d'amour, amour. Donc, le rêveur, puisque c'est un rêve, a vu dans la fontaine où s'est noyé un narcisse le reflet d'un buisson de rose, s'est approché du vrai buisson, enfin, du vrai buisson dans son rêve, voit un bouton de rose particulièrement charmant, et à ce moment-là, amour qui l'a suivi lui décoche une flèche qui entrant par l'œil l'atteint au cœur, et il est amoureux de son bouton de rose. Et tout le roman, les 20 000 vers de Guillaume de Lorris, puis de Jean Demain, racontent la conquête de la rose et à la fin la défloration de la rose. Mais là, une fois que le rêveur a été blessé par amour, il est justement son prisonnier. Et Amour lui donne des instructions sur ce qu'il devra faire. Il est au service d'Amour, il est le vassal d'Amour. Et il lui dit, comme si c'était des ordres, il lui décrit le comportement de l'amoureux type. Et là, c'est l'amoureux qui ne peut pas dormir, qui se retourne en tous sens, et qui finit par s'endormir, et qui dans son rêve, et qui dans son sommeil fait un rêve érotique et croit posséder la femme qu'il aime, puis il se réveille, et il est tout triste. C'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans la poésie du temps, et qui là est malicieusement décrite comme quelque chose, non pas que l'amoureux est contraint de faire, mais qu'il doit faire par obligation morale. Enfin, s'il veut servir Amour, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut avoir des insomnies, et quand on s'endort, des rêves érotiques. Et le roman de la Rose est une œuvre on croit que c'est ennuyeux, c'est d'une richesse extraordinaire et d'une malice extraordinaire. C'est quelque chose d'inépuisable. Mais c'est le moment au XIIIe siècle où il y a une sorte de réflexion, d'intellectualisation de cet amour courtois, une grande poésie intellectuelle. C'est Dante, c'est le roman de la Rose, c'est le catalan Raymond Lull, c'est le bréviaire d'amour de Ma Frère Mango, qui réfléchit sur l'amour et sur toutes les formes de l'amour. Le roman de la Rose, qui commence comme un poème courtois, se termine par un éloge de la reproduction. Enfin, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. En tout cas, ça donne envie. Et merci pour cela, Michel Zinc, de relire le roman de la Rose, d'écouter tous ces textes, parce que nous sommes tous vassals de l'amour. Hein. Et puis, ça donne aussi envie de relire vos livres. Hein. Les Troubadours, une histoire poétique, Le tiers d'amour, un roman des troubadours, ou encore, et ça c'est votre biographie, Seuls les enfants savent lire, nouvelle édition aux belles lettres. Merci vivement Michel Zinc de nous avoir offert tout cet amour. Il est temps dans le cours de l'histoire de rejoindre Anaïs Quin avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'Histoire, la réhabilitation des mineurs du Nord-Pas-de-Calais plus de 70 ans après une grève qui a laissé une mémoire lourde de conséquences. Le travail sera libérateur de l'existence humaine, c'était la promesse de Karl Marx, mais le bonheur ouvrier s'incarne surtout dans le conflit depuis la parution du Capital en 1867. Aujourd'hui se déroule à Paris une audience pour l'application d'une décision du Conseil constitutionnel qui a donné raison aux descendants de mineurs grévistes licenciés à l'issue de la Grande Grève de 1948. Une application qui devrait leur ouvrir des droits à une indemnisation plus de 70 ans après les faits. En octobre 1948, les mineurs du Nord-Pas-de-Calais déclenchent une grève contre les décrets Lacoste qui réforment leur statut en réduisant leur salaire et leurs primes. Le gouvernement répond par une répression lourde et envoie l'armée et les CRS. Les affrontements sont d'une rare violence, selon Marion Fontaine et Xavier Vignat dans la revue 20e siècle. La brutalité des CRS est indéniable et les chars de l'armée dans les corons offrent un spectacle insupportable 2 ans après la fin des combats de la Deuxième Guerre mondiale. Le droit de grève est alors inscrit dans le préambule de la Constitution depuis 1946. Avec ce qui a été dépensé en un mois pour briser la grève des mineurs, on aurait pu donner satisfaction à leurs revendications pendant 4 ans. Et on préfère accorder 15 000 francs par mois de prime à chaque CRS que 14 300 francs par mois de minimum vital aux mineurs. Mais la colère est dans leur cœur. Et la grève continue. Et les mineurs se défendent avec acharnement contre les furieux assauts des mercenaires déchaînés. La grève dure 7 semaines, entre octobre et novembre 1948. On voit sur les images d'archives des cavalcades sur les terrils, des blocages, des visages furieux, une insurrection et sa répression dans l'univers des mines de charbon. Une fureur étouffée par des mesures sévères, 5 ou 6 morts sont établies, 3000 mineurs sont licenciés, expulsés des corons et pour certains emprisonnés. Les démarches de demande d'amnistie se sont affrontées à la mémoire du contexte de cette grève, la guerre froide, les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à celle très conflictuelle de cet événement particulier qui a vu s'opposer avec férocité les mineurs entre eux. Grévistes contre non-grévistes, CGT, meneuse de la grève, contre la CFTC et force ouvrière qui refusaient de prendre part au mouvement. Entre violence et division, si la grève de 1948 s'est inscrite dans la postérité avec une amertume tenace parmi les mineurs et leurs descendants, elle est aussi longtemps restée inexplorée par les historiens et les historiennes, confrontés à un événement complexe dont les ressorts étaient autant nationaux que locaux et face à la violence à l'œuvre avant, pendant et après la grève, qui paraît parfois davantage tenir de la guerre civile que du mouvement social dans une France en reconstruction. La France sortait de la période de l'occupation. Elle avait eu des millions de prisonniers. Elle était vidée des meilleurs d'entre eux. Donc la France exsangue, malheureuse, voyait en plus probablement une notion d'injustice se greffer là-dessus, c'est-à-dire de l'injustice à laquelle on est le plus sensible, l'injustice sociale. En 2014, le Parlement avait finalement voté la reconnaissance du licenciement abusif de ces mineurs, leur permettant de recevoir une compensation financière. Ce sont les termes de l'application de cette décision qui sont en jeu aujourd'hui. Merci Anaïs, qui en retrouve le journal de l'Histoire en ligne et en podcast sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou, à écouter ainsi que les précédentes et à podcaster pour la balado-diffusion sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France, une émission à retrouver sur le groupe Facebook. Le cours de l'histoire, demain, l'amour à distance n'est pas une préoccupation de notre temps, non, nous allons évoquer les liaisons dangereuses de Marie-Antoinette.